Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous allons maintenant terminer notre chapitre 8 à partir d'un dernier exemple qui nous permet d'explorer la diversité des représentations de la Chine dans l'Europe du 18e siècle. Il s'agit de Voltaire. Voltaire, en fait, aimait profondément la Chine et il se plaisait à se considérer lui-même comme le Confucius d'Europe. Fortement inspiré par les travaux de Leibniz et par les écrits des missionnaires jésuites, Voltaire se sert de l'histoire de la Chine et de sa philosophie afin de montrer la relativité de la morale chrétienne. On sait qu'il s'attaque aux institutions cléricales européennes et qu'il dit vouloir écraser l'infâme. Mais c'est en s'appuyant sur les informations et les connaissances qu'il trouve en Chine qu'il parvient à le faire. Par exemple, dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations de 1756, il place l'histoire de la Chine au tout début de son survol de l'histoire mondiale. Mais surtout, il invite les lecteurs à ne pas juger l'altérité selon nos propres critères. Nous avons calomnié les Chinois uniquement parce que leur métaphysique n'est pas la nôtre. Nous aurions dû admirer en eux deux mérites qui condamnent à la fois les superstitions des païens et les mœurs des chrétiens. Jamais la religion des lettrés ne fut déshonorée par des fables, ni souillée par des querelles et des guerres civiles. En imputant l'athéisme au gouvernement de ce vaste empire, nous avons eu la légèreté de lui attribuer l'idolâtrie par une accusation qui se contredit ainsi elle-même. Le grand malentendu sur les rites de la Chine est venu de ce que nous avons jugé leurs usages par les nôtres, car nous portons au bout du monde nos préjugés et notre esprit contentieux. Même si l'admiration de Voltaire au sujet de la Chine révèle une certaine naïveté dans son propos, il y a tout de même dans l'extrait que je viens de lire une leçon qui est excessivement importante à retenir sur la projection de ses propres préjugés pour tenter de comprendre autrui. Chose certaine, l'influence de la Chine en Europe est considérable, non seulement sur le développement de la pensée des Lumières, mais aussi sur le développement d'idées politiques, comme le despotisme éclairé qui était alors en vogue dans les cours européennes, ainsi que sur les grands penseurs du 19e siècle qui s'annoncent déjà, incluant les physiocrates et surtout Hegel ainsi que Marx. Comme nous le verrons au cours des prochains chapitres, cette évolution dans les représentations à l'égard de la Chine est loin d'être anodine, puisqu'elle s'inscrit dans une géopolitique mondiale en pleine transformation. Alors que les relations entre la Chine et l'Occident deviennent le moteur d'un nouvel ordre international prenant corps au cœur de l'Asie de l'Est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais avant d'aborder ces questions plus en détail, revenons à l'histoire de la Chine à proprement parler. Alors que nous étions rendus, si vous vous souvenez bien, à parler du déclin et de la fin de la dynastie Ming au 17e siècle. C'est ainsi que nous tournons la page sur le 8e chapitre et que nous entrons dans un nouveau chapitre entièrement consacré à la dernière dynastie de l'histoire impériale, soit la dynastie Qing, qui régna de 1644 à 1911. Au cours de ce 9e chapitre, nous verrons surtout la première partie de la dynastie jusqu'aux environs du milieu du 19e siècle. Et nous verrons la suite de la dynastie dans le cadre du chapitre 10. Intitulé « Les Manchus et l'âge d'or des Qing », le chapitre 9 est divisé en quatre sections. Nous verrons d'abord l'origine des Manchus et la dynamique de la conquête. Puis nous parlerons des institutions politiques entre gouvernance collégiale et centralisation bureaucratique. Par la suite, nous aborderons la période de l'âge d'or des Qing et la crise d'identité manchoue. Pour terminer ce chapitre en parlant du déclin de la dynastie et des rébellions populaires. Ce chapitre qui débute à l'instant est le dernier de la portion moderne de notre périple sur l'histoire de la Chine à dos de tortue. En fait, la dynastie Qing est certainement la plus importante à comprendre si on veut être en mesure de bien saisir les multiples enjeux et les défis de la Chine contemporaine. Pourquoi cette importance? D'abord, quand on la regarde selon la trame d'une continuation à partir du passé, la dynastie Qing représente un accomplissement considérable des héritages et des traditions, ainsi qu'une étape culminante pour ce qui est de l'évolution des principales institutions politiques, sociales et culturelles de la Chine impériale. Qu'il soit question des institutions comme les six bureaux, ou encore le système des examens, le rôle social de la gentry, la vitalité des réseaux économiques, la croissance démographique, le renouveau philosophique et littéraire, ou encore la synthèse politique originale entre les traditions Han et les traditions semi-nomades de l'Asie intérieure, la dynastie Qing représente sur tous ces tableaux un moment de culmination, voire un moment d'apogée en termes de développement. Par ailleurs, si on regarde l'histoire de cette dynastie depuis le présent, la dynastie Qing constitue la dernière de toute l'histoire impériale chinoise, ce qui signifie que c'est à partir des héritages et surtout du legs territorial de cette dynastie que toute l'histoire contemporaine s'est écrite, en s'appuyant sur le concept de droit international « uti possidetis juris », qu'on traduit parfois par « l'intangibilité des frontières ». Ce legs de l'histoire impériale hérité des Qing impose sa marque sur le territoire de la Chine contemporaine, mais aussi la culture, l'identité, la mémoire et les institutions. Comme nous le verrons au cours des prochaines semaines, dans la dynamique d'affirmation nationale qui sera à l'œuvre tout au long du 20e siècle et même encore aujourd'hui. À titre d'exemple, pour illustrer cette idée brièvement, nombreux sont les intellectuels chinois contemporains qui s'efforcent de démontrer l'adéquation entre le territoire de la Chine des Qing et celui de la Chine contemporaine, à la fois pour en légitimer les héritages, mais surtout pour affaiblir toutes les revendications d'autonomie venues des régions frontalières comme le Tibet, Taïwan et le Xinjiang. Cette volonté d'assurer une continuité territoriale, historique et identitaire a été exprimée avec beaucoup de véhémence au tournant du 21e siècle, particulièrement dans le débat historiographique sur la distinction entre l'identité chinoise et l'identité manchoue, suscité notamment par la diffusion de ce qu'on a appelé la « New Qing History », soit la nouvelle histoire des Qing, un sujet sur lequel nous reviendrons prochainement. Finalement, quand on observe l'histoire de la Qing, l'histoire de la dynastie Qing depuis l'extérieur, comme nous le faisons en ce moment, celle-ci représente un moment crucial qui met en scène l'intégration de la Chine dans le flux de l'histoire mondiale, notamment suite à une amplification considérable des relations entre la Chine et l'Occident, ce qui sera le cœur du chapitre suivant. Mais pour l'instant, commençons avec le premier point de ce chapitre 9 intitulé « Origine des Manchous et dynamique de la conquête ». Tout d'abord, Disons que les Mandchous n'existaient pas avant leur conquête de la Chine. Le nom a été choisi pour désigner une confédération de tribus jurkennes, un peuple semi-nomade d'origine tongouze vivant dans la région du nord-est de la Chine, dans les environs des montagnes de Changbaishan. Le projet de confédération fut initié par Nurhaci, un chef de la tribu des Tianzhou Nüjen, et c'est lui qui unifia toutes les tribus rivales de la région. Il est à noter d'abord que Nurhaci était initialement un vassal de l'empereur de la dynastie Ming et qu'à ce titre, il se rendit même à Pékin en 1590 pour y porter un tribut et rendre ses hommages au souverain. Cette relation de vassalité conféra une proximité politique qui permit à Nurhaci de se familiariser autant avec les pratiques diplomatiques qu'avec les institutions politiques de la Chine. En fait, les Jurkens se trouvaient dans une situation privilégiée pour plusieurs raisons. D'abord, leur tradition se situe à la jonction des populations nomades et sédentaires, reflétant en quelque sorte ce que certains archéologues ont nommé le complexe de la zone nordique, témoignant d'une hybridité culturelle profonde, s'appuyant sur des pratiques comme la chasse, la pêche, le nomadisme, l'agriculture ainsi que le commerce tributaire avec la Chine. Fort de cette position privilégiée avec la Chine des Ming et fort de cette proximité, les Jurkens avaient le monopole de produits très lucratifs et des produits qui étaient fort prisés en Chine, comme le commerce des perles, des fourrures et du ginseng, ce qui leur permit de s'enrichir considérablement. La rivalité entre les différentes tribus jurkennes de la région a atteint son paroxysme aux environs de 1600. Et c'est à ce moment-là que Nurhaci a pris conscience du déclin de la dynastie Ming. Tout en consolidant ses alliances au sein des peuplades jurkennes, Nurhaci commençait à mettre sur pied un projet politique rival de celui de la dynastie chinoise. En 1616, Nurhaci fonde un nouveau royaume et il se proclame le Khan du royaume des Qin postérieurs, soit le Ho Qin Guo, qui est une référence directe à l'héritage de la dynastie Qin, qui avait aussi été fondée par des Jurkens et qui a régné sur le nord de la Chine entre 1115 et 1234. La dynastie Qin, c'est ceux-là même qui, on s'en souvient, avaient repoussé la dynastie Song vers le sud en 1127. Donc, après avoir fondé son nouveau royaume en 1616, Nurhaci promulgue ses sept doléances en 1618, un document qu'on connaît sous le titre de Titahen, document qui est à voir comme une déclaration de guerre ouverte contre la dynastie Ming. À partir de ce moment, on assiste à la mise en œuvre d'alliances matrimoniales entre les Jurkens et les populations mongoles limitrophes, suivie d'une subjugation de la Corée, la prise de Shenyang en 1621, une ville qui est aussi appelée Mukden, et tous ces événements furent suivis d'une série d'affrontements militaires dans le nord de la Chine contre les troupes de la dynastie Ming entre 1625 et 1633. À l'époque, la dynastie Ming était plongée dans un inexorable déclin et elle se trouvait alors complètement déchirée sur elle-même, faisant face à une quantité de rébellions sur l'ensemble de son territoire. Et les deux plus imposantes de ces rébellions étaient celles du Nord, qui était menée par Li Zicheng, et une autre plus au sud du pays, menée par Chang Hsien-chong. Face à une débandade complète de son pouvoir militaire, l'empereur de la dynastie Ming a fait appel à son vassal le plus puissant qui était situé dans le nord-est du pays afin qu'il vienne sécuriser les environs de la capitale. Et c'est le fils de Nurhaci, Hong Taiji, qui a répondu à cet appel à l'aide qui avait été lancé par le suzerain chinois. Hong Taiji a donc pris la relève et a régné de 1627 jusqu'à 1648. Il a alors poursuivi l'œuvre de conquête et d'unification qui avait été amorcée plus tôt par son père. À noter que c'est d'ailleurs Hong Taiji qui a inventé, si on peut dire, la dénomination Manchu et qui l'a appliquée à son peuple en 1635 pour désigner cette coalition militaire conquérante. Hong Taiji a aussi changé le nom de son royaume alors que le Ho-Ting-Guo, soit le royaume des Qin postérieurs, est devenu le Ta-Ching-Guo, soit le grand royaume des Qing. La raison de ce changement de nom était d'abord liée à des sensibilités mémorielles. Alors qu'on voulait, dans un premier temps, éviter de heurter les souvenirs douloureux des Chinois qui étaient liés à la conquête des Song par les Qin au XIIIe siècle. Mais on peut aussi croire que le changement de nom était lié à une volonté d'inscrire la nouvelle dynastie Qing dans le cycle de la cosmologie impériale chinoise. En effet, nous avons parlé au cours des premiers épisodes de la théorie des cinq éléments, servant à justifier en quelque sorte les changements dynastiques à travers les âges. Sur ce plan, le caractère chinois pour désigner la dynastie Ming, c'est un caractère qui est associé au feu, à la clé de la lumière du soleil. Et le caractère de la dynastie Qing est associé à la clé de l'eau. Donc on se retrouve alors avec une symbolique très claire qui montre de manière tout à fait naturelle que l'eau conquiert le feu en l'éteignant. Et c'est exactement ce que les Qing s'apprêtaient à faire contre les Ming. Les Manchus sont donc originellement une fédération de tribus jurkaines qui devient une coalition conquérante. Il s'agit d'une dénomination ethnique qui a été inventée, pourrait-on dire, spécifiquement dans le cadre de cette conquête. Sur l'origine de la signification du terme « Manchu », les spécialistes ne s'entendent pas alors que certains parlent d'une désignation qui pourrait signifier « chef » ou « maître », mais d'autres soulignent plutôt une parenté sémantique avec des notions religieuses. Si on revient à la conquête de la Chine à proprement parler, en 1644, le rebelle Li Zicheng avait réussi à prendre la ville de Pékin dans le nord du pays. Et l'empereur des Ming, Hongchen, s'était alors suicidé pour éviter l'affront d'une humiliation publique. C'est dans ce contexte que les Manchus ont pris la ville d'assaut et qu'ils sont parvenus à chasser le rebelle avant qu'il ne s'installe trop confortablement sur le trône. Mais alors que les Manchus étaient entrés à Pékin en tant que vassal qui venait au secours de son suzerain, ils ne reculeront jamais, alors qu'ils s'installent eux-mêmes sur le trône impérial et restent au pouvoir afin d'y fonder une nouvelle dynastie, la dynastie Qing, qui régna de 1644 à 1911. C'est pour cette raison que, dans la littérature, on trouve parfois 1636 ou 1644 pour désigner le début de la dynastie Qing. La date de 1636 représente la fondation de la dynastie des Qing par Hong Taiji, et l'année 1644 représente la prise de la ville de Pékin. Les Manchus s'établissent donc sur le trône du Fils du Ciel, mais ils constituent tout au long de la dynastie un pouvoir minoritaire. Sur cette question spécifiquement démographique, alors qu'on compte environ 10 millions de Manchus dans la Chine du 21e siècle, ils étaient environ 2,5 millions en 1953 et seulement 1 million à l'époque de la conquête, pour une population chinoise totale qui oscillait entre 120 et 150 millions au 17e-18e siècle. Le défi pour ces conquérants semi-nomades originaires du Nord-Est est immense, puisqu'ils doivent, dans un premier temps, conquérir l'ensemble du territoire de la Chine, qui correspondait à l'époque à ce qu'on nomme la Chine des 18 provinces, qu'on désigne par le terme « China proper » dans l'historiographie anglo-saxonne. Les Manchus doivent ensuite faire accepter leur domination de la Chine, et pour y parvenir, ils doivent mettre en place des mécanismes de contrôle qui leur permettent de surmonter les nombreuses résistances qu'ils vont rencontrer, comme lorsqu'ils imposent la natte en 1645, soit une nouvelle coiffure pour tous les Chinois en signe d'allégeance et de soumission. Finalement, ils doivent parvenir à maintenir une distinction claire et nette entre la population conquise et le groupe minoritaire conquérant. Cette dialectique entre l'acculturation et la différenciation est présente tout au long de l'histoire de la dynastie Qing. Mais comme nous le verrons au cours des prochaines semaines, elle est particulièrement mise en évidence dans les périodes de crise. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui pour cette mise en contexte de la dynastie Qing et nous poursuivrons la semaine prochaine cette première section alors que nous verrons cette fois la dynamique de la conquête territoriale. Et parmi les éléments essentiels qui caractérisent cette conquête, il y a bien sûr les liens privilégiés qui existent entre les Manchous et les Mongols. Nous avons parlé brièvement d'alliances matrimoniales clés entre les Manchous et certaines tribus mongoles dans les premières heures de la conquête. Mais nous verrons ces relations se complexifier et se raffermir alors que les territoires des Mongols deviendront un des enjeux prioritaires pour la conquête manchoue. C'est d'ailleurs pour souligner ce lien particulier entre les Manchous et les Mongols que j'ai choisi la dernière pièce musicale de la journée. C'est un groupe qui a été formé en 2016, qui est originaire de la ville d'Ulaanbaatar. Le groupe se nomme The Hu Band, H-U. Et c'est un groupe qui utilise des instruments traditionnels comme le morinkur, qui est un instrument à deux cordes. Il nous offre une pièce chantée en mongol, mettant en valeur le chant Khromi, qui sont les chants de gorge. Le titre de la pièce est Wolf Totem, un animal emblématique pour les populations de la pièce de la steppe mongole. C'est une pièce qui met parfaitement en valeur l'esprit de la conquête qui se prépare. Alors, voici le groupe de Hu avec la pièce Wolf Totem. Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xia zi zai jian ba. doctors us.